L'humanité progressiste du monde regrette infiniment le président Kim Il-sung. Le président du Parti national progressiste unioniste égyptien, le secrétaire général du Parti démocratique des travailleurs de l'Espagne, le secrétaire général du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie, le secrétaire du comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour le territoire de Khabarovsk et le secrétaire général de l'Alliance populaire arc-en-ciel de Guinée ont noté dans leurs messages et lettres de félicitations que le président Kim Il-sung a créé les idées du Tutsi et inspiré aux masses populaires le patriotisme pour ainsi fondée la République populaire démocratique de Corée, État socialiste indépendant et prospère. Ils ont ajouté que Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung a consacré toute sa vie pour la libération et l'indépendance de la Corée, le bonheur et le bien-être du peuple, la liberté des peuples opprimés du monde et la victoire de la cause socialiste. Ils ont souligné que le président Kim Il-sung, grand homme sans pareil du XXe siècle, qui a inauguré l'époque d'indépendance et consacré toute sa vie pour le progrès victorieux de la cause d'émancipation de l'humanité, restera toujours dans leur cœur comme le soleil Tutsi.